J'ai fait un pont de ma vie, là sur le cours de ta vie. Il craque sous tes pieds ravis, il ploie sous l'envol de tes nuits. Danse-y, danse-y, danse-y, danse-y, danse. La la la la la danse, la la la la la danse, danse, danse. Oh danse, et de l'Ukraine à la Russie, il enjambe tous les pays. De l'Alaska à Miami, sur tous les continents surpris. Danse-y, danse-y, danse-y, danse-y, danse. La la la la la danse, la la la la la danse, danse, danse. Oh danse, c'est un pont de ma vie qui va de samedi à samedi. Travail y est interdit, il peut durer toute la vie. Danse-y, danse-y, danse-y, danse-y, danse. La la la la la danse, la la la la la danse, danse, danse. Oh danse, les jours de peine où tu t'ennuies, il se fera. Tous tes ennuis, enjambera tous tes jours gris. Mais danse-y, danse-y, danse-y, danse-y, danse. La la la la la danse, la la la la la danse, danse, danse. Oh danse, j'ai fait un pont de ma vie, là de ta vie à ma vie. Et puis quand elle sera finie, sans un murmure et sans un cri.